L'honnêteté, c'est l'oiseau bleu, une putain de légende. On l'a tué de nos mains, nous les êtres les plus méchants. Parce qu'on veut tout, il y aura des lendemains qui chantent. Trois décennies que la vie m'apprend. Me fais pas croire qu'il y a rien à prendre. Le beurre, l'argent, la vache et la crémière. Je prends la chance par la crinière. Ne la lâcherai qu'en échange une rançon qui me rendra millionnaire. Si tu pèses, t'es intéressant. Mais t'es pas austère, alors n'en fais pas trop. Car ici, c'est indécent. On a les fils qui se touchent et la rage dans le sang. Pour moins de 1000 œufs, on te fait bouffer ton extrait de naissance. J'ai pas leurs us et coutumes, ils ont leur cul cousu. Donc j'ai des potes nés ici qui me tiennent au jus. On est des pères de famille, les miroirs aiment nos femmes belles mêmes. Avec un pôle Chanel dans le tiroir. Où sont les puits de pétrole dans ce désert gris. Où il ne fait jamais bon de tenir une bijouterie. Des oursins dans les poches, on partage tout ou on s'amoche. On n'ira pas au violon où on s'en broche. Honnêteté, c'est l'oiseau bleu, une putain de légende. On l'a tué de nos mains, nous les êtres les plus méchants. Parce qu'on veut tout, il y aura des lendemains qui chantent. Personne ne dira non si la sommet est alléchante. L'honnêteté, l'oiseau bleu, on lui laisse aucune chance. Pour l'argent, on devient bête et méchant. Oiseau bleu, on le plume, on le brûle, on le fume. C'est la même de la brousse au bitume. La musique, c'est juste un sport. Je m'y suis enraciné. Je le sais, un jour ils cracheront tous au bassiné. Espoir assassiné. Oiseau bleu avec trop d'exemples autour de nous. Finir vieux à sec, papy. J'ai la gueule de mon compte en banque. Si on croise un happy, ça pue le kidnapping. Dans mon crâne, c'est le mitard. Tellement de choses à dire. Je craque, les moments pleurent. Laisse-nous partir, traf. À défaut de régler mes dettes, à coup de braco, lance roquette. J'ai la porte tout du siècle. À chaque fois que Marianne parle mal, les jeunes Ken, ça. Ce sont des tornades et Paris c'est le Kansas. On est les mêmes monstres et le temps passe au bras. Toujours la même montre en top, nous aussi on dort mal. La route tourne champion, fais-moi confiance. J'irai chercher l'or même si tu te le caches dans le fion. L'honnêteté, oiseau bleu, on lui laisse aucune chance. Pour l'argent, on devient bête et méchant. Oiseau bleu, on le plume, on le brûle, on le fume. C'est la même de la brousse au bitume. Si t'as de la maille en trop, on te soulage mec. Tu joues les chauds, mais c'est ta go, t'as des couilles sous la chenette. L'honnêteté, l'oiseau bleu, ne fait jamais long feu. Le crime, renard cruel, va pisser dans chaque ruelle. Entre illicite et RMI, SMIC pour les plus vernis. Comment veux-tu que l'armistice soit permis? À coup de marteau dans la tronche, le message passe des cassos. On te refait la face à la Picasso. L'honnêteté est un luxe au-dessus de nos moyens. J'ai le couteau et le pain, encore fin, même le boudin plein. Tu parles à un trentenaire. Le moral en acier trempé, cool mais assez bâche pour les foutre en terre. C'est pour le roro concours, on l'aide tous. Un peu de peste, un peu de messe, un peu de rocancourt. C'est pour le roro concours, on l'aide tous. Un peu de peste, un peu de messe, un peu de rocancourt. L'honnêteté c'est l'oiseau bleu, une putain de légende. On l'a tué de nos mains, nous les êtres les plus méchants. Parce qu'on veut tout, il y aura des lendemains qui chantent. Personne ne dira non si la sommet est alléchante. L'honnêteté l'oiseau bleu, on lui laisse aucune chance. Pour l'argent, on devient bête et méchant. Oiseau bleu, on le plume, on le brûle, on le fume. C'est la même de la brousse au bitume. L'honnêteté, c'est l'oiseau bleu, une putain de légende. On l'a tué de nos mains, nous les êtres les plus méchants. Parce qu'on veut tout, il y aura des lendemains qui chantent. Personne ne dira non si la sommet est alléchant. L'honnêteté, l'oiseau bleu, on lui laisse aucune chance. Pour l'argent, on devient bête et méchant. Oiseau bleu, on le plume, on le brûle, on le fume. C'est la même de la brousse au bitume.